Et à cette heure-ci, habituellement, qu'est-ce qu'on fait dans le Change de disque? On parle avec Raymond Poirier de Technologie de l'information, mais ça tombe bien, on va faire ça encore aujourd'hui. Allô Raymond. Bonjour Tania. Comment vas-tu? Ben, ça va très bien, toi? Et ça va très bien aussi. Mais aujourd'hui, de quoi en parle-t-on dans cette chronique? Mais du côté de l'Institut Technologie de l'Information et Société, on organise une conférence grand public qui va avoir lieu jeudi de cette semaine, le 26 avril à 19h, à la bibliothèque Gabriel Leroy. Et l'intitulé de cette conférence, eh bien, c'est « Quel avenir pour notre société à l'heure du numérique? » Donc, une grande question, évidemment, qui est rattachée à d'autres grandes questions et auxquelles on espère que notre conférencier invité pour cet événement apportera quelques perspectives de réponse ou d'autres perspective de réflexion. Et ce conférencier, ben, c'est Milad Douéhi, qui est titulaire de la chaire de recherche sur les cultures numériques, qui a été inaugurée d'ailleurs il y a quelques semaines du côté de l'Université Laval. C'est aussi un penseur, un essayiste. Il a publié l'automne dernier au Seuil l'essai pour un humanisme numérique. Et donc, c'est en lien avec ses réflexions qu'on apportera donc ses propos du côté de Gabriel Leroy ce jeudi. Et pour vous donner un avant-goût des réflexions qui vont être proposées pour mettre la table aussi en route vers la conférence de jeudi, eh bien, on a le plaisir d'avoir M. Douéhi au bout du fil avec nous. Bonjour. Bonjour. Et d'abord, peut-être, mettons les termes en place. On va parler de culture numérique. Qu'est-ce qu'on entend par le terme? Qu'est-ce qu'on entend par culture numérique? Par culture, moi, j'entends tout simplement, c'est des usages et des pratiques qui sont associés aux technologies de l'information et qui ont modifié à la fois nos rapports sociaux et surtout nos regards sur les objets qui sont notre héritage et les objets culturels qu'on est en train de produire. Donc, globalement, l'idée, c'est de comprendre la machine et pas seulement subir, dans le fond, la machine, et par machine, on entend le numérique, les nouvelles technologies, etc. Ah oui, il faut absolument surtout pas subir, parce que ce sont des machines, moi je distingue entre l'informatique qui a la dimension technique et le numérique qui est plutôt la dimension culturelle, qui est notre manière de s'approprier, d'utiliser et parfois de contourner, de résister et d'exploiter la machine, disons. Et j'imagine ces manières d'exploitation, d'appropriation évoluent aussi au rythme de la technologie ou est-ce qu'il y a un peu de retard dans l'appropriation et dans la place qu'on prend culturellement dans cette technologie-là? Je crois qu'on accompagne, il y a toujours une réflexion, il y a toujours une manière d'approprier qui est plus avancée pour certains utilisateurs que d'autres et c'est ça qui nous invite à réfléchir également à la question à la fois de l'enseignement, de la pédagogie en ce qui concerne le numérique et surtout pour essayer de mettre en place quelles seront les compétences requises pour mieux utiliser avec une compréhension de tous les enjeux de ce qu'on appelle aujourd'hui le numérique. Et il me semble, en lumière de ce qu'on entend parler, que c'est un moment charnière justement pour mener cette réflexion-là, que notre société me semble en pleine mutation. Je crois qu'on est en train de vivre quand même une grande transformation, mutation de notre société, parce que tout est en train de devenir numérique, que ce soit une grande partie de notre quotidien, que ce soit la manière dont on communique avec la famille, avec les parents, avec les amis, avec les proches, mais que ce soit dans nos manières de traiter avec l'État, la loi et ainsi de suite. Et du coup, il nous faut penser et imaginer à la fois les interfaces, mais également les pratiques qui doivent accompagner cette mutation sociale. Et quel genre de pratiques, justement, il faut imaginer, il faut réfléchir? Je crois qu'il faut réfléchir aussi aux transformations qu'on est en train de vivre. Par exemple, aujourd'hui, on a une convergence entre le mobile et le réseau Internet classique qui permet un passage transparent et un accès continu, ce qu'on appelle le cloud computing, à toutes nos données. C'est un grand avantage. En même temps, ces données sont stockées chez des fournisseurs qui ont accès et qui contrôlent en grande partie notre historique et nos traces. Du coup, il faut penser à la fois à la manière dont notre quotidien a été transformé, mais également à la manière dont on n'est pas nécessairement surveillé, mais qu'on est tracé. Et quels sont les enjeux éthiques, politiques, sociaux, parfois même économiques, du statut de ces données qui sont nos traces. Et un peu le même type de questionnement aussi qu'on peut avoir face aux réseaux sociaux, face à des sites comme Facebook, par exemple. Et Facebook, c'est exactement la même chose. On est tracé, on construit notre historique, on construit pas seulement le profil que nous-mêmes on construit, mais le profil de nos relations, de nos échanges, qui leur permet de développer effectivement des algorithmes pour améliorer le site et pour encourager la publicité, parce que quand même, il ne faut pas oublier, ce sont des entreprises à but lucratif. Et donc, dans le fond, face à ça, il y a autant de possibilités d'une incorporation positive pour l'humain, autant il y a possibilité d'une dérive vers quelque chose qui ne serait pas nécessairement souhaitable. Je crois que c'est toujours le risque avec ces techniques, ces technologies qui deviennent des phénomènes culturels et sociaux. Il y a toujours un risque, il y a toujours un défi. Néanmoins, il faut, à mon avis, ne pas être pessimiste, il faut être vigilant et surtout, il faut être très, très avisé. C'est ça l'essentiel. D'où, pour moi, l'insistance sur la dimension des compétences, de la pédagogie qui doit accompagner l'adaptation et l'adoption de ces pratiques qui sont devenues quasi naturelles aujourd'hui. Et comme toutes les choses qui sont souvent nouvelles, quand on a démarré toutes ces réseaux sociaux, toutes ces manières de faire fonctionner la technologie, on ne pouvait pas se douter à quel point ça pouvait devenir à la limite dangereux. Je pense que ce n'est pas seulement que ça devient dangereux. Moi, je ne suis pas du tout peut-être dans le discours de la peur, mais ce qui est important, c'est qu'on ne prévoit jamais à quel point ça peut pénétrer nos vies. Surtout, ça peut modifier nos vies, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner, on ne pense même plus, sont à la fois les gadgets, l'accès, les moyens de communiquer et surtout d'articuler et d'échanger les idées et de produire le savoir. Et il me semble qu'il faut toujours prendre les choses de manière assez, comment dire, presque pragmatique, tout en ayant l'idée d'essayer de protéger le confidentiel, le privé, tant que c'est possible. Et Milad Douéhi, vous mentionnez justement que c'est partie intégrante de notre vie, de notre quotidien, mais même à la limite, notre corps aussi qui fait, figurativement parlant, peut-être un peu partie de ces outils-là, dans la mesure où il fait partie de l'interface et par le corps qu'on a accès à ça. Donc, il y a une dynamique aussi bien particulière dans la relation qu'on entretient avec le numérique. Oui, je crois que quand même, c'est là ce que j'essaie d'étudier, de penser, c'est qu'il y a un retour très, très puissant du corps dans la culture numérique actuelle. Là, j'ai une hypothèse qui dit que la culture numérique a commencé une culture assise, une culture de la chaise. Aujourd'hui, c'est une culture de plus en plus ambulante, avec un retour du tactile, de la voix. Toutes ces dimensions corporelles qui étaient au début exclues, sauf pour le clavier et le toucher dans ce sens-là. Et quand même, dans cette mutation et évolution, il y a énormément d'enjeux, à la fois esthétiques, culturels, sociaux, mais également politiques, parce que ça implique une forme de présence qui nous est pas nécessairement aussi familière, surtout quand on prend en compte l'échelle l'échelle de la pénétration de la culture numérique. Et même dans ce contexte-là, cela dit, quand on parle, exemple, d'icônes ou d'écran tactile, on est intégré à la machine, mais en même temps, je me rappelle les interfaces DOS quand j'étais plus jeune, où j'avais un dialogue peut-être un peu plus direct et une influence peut-être un peu plus directe sur la programmation de ces machines-là. Donc, on est en contact plus régulier, mais on peut moins l'influencer quand on s'y connaît pas en informatique, justement. Je crois que la ligne de commande, c'est-à-dire l'ancienne, mais qui est toujours à existence pour les codeurs et les gens qui programment, a un autre rapport cognitif avec la machine et l'informatique. Il y a une forme d'attente avec la requête qui est posée qui façonne la manière dont on regarde et comprend le fonctionnement du système. Avec les interfaces graphiques, c'est tout à fait autre chose. Il y a comme une illusion de l'instantané, de l'immédiat et surtout d'une certaine efficacité qui n'est pas nécessairement une efficacité. Mais au-delà de là, moi je dirais, il y a une évolution avec les interfaces, que pendant une certaine période, les interfaces servaient un but spécifique. L'exemple qu'on peut toujours donner, c'est par exemple un distributeur de billets dans une banque. On savait exactement que c'était une interface relativement graphique pour faire des procédures tout à fait simples. Aujourd'hui, c'est le monde lui-même qui est en train de se transformer comme interface, mais pas vers le concret, mais plutôt vers le numérique lui-même. Et c'est cette inversion dans nos rapports qui me semble-t-il, est très, très important. Et on parle beaucoup aussi de la sphère virtuelle comme un lieu où tout est accessible, où on est égaux, mais j'ai l'impression que ce n'est pas nécessairement le cas et qu'au contraire, il y a des éléments d'autorité, il y a une hiérarchie aussi qu'on retrouve dans le numérique. Ça se trouve partout. Il y a des gens qui sont plus experts que nous. On sait très bien que les hackers sont plus doués. Ils ont des accès. Ils peuvent manipuler d'une manière beaucoup plus rapide, plus efficace, qui échappe à la grande majorité des utilisateurs. Et je crois qu'on va toujours retrouver une forme de hiérarchie, de puissance, de pouvoir ou de maîtrise qui va s'installer malgré ce qu'on nous dit que l'environnement numérique est un environnement horizontal, égalitaire, démocratique dans ce sens. Donc, on applique à cette sphère-là un peu les éléments qu'on a déjà appliqués ailleurs, même si on semblait vouloir développer autre chose avec cette sphère-là. Oui, mais c'est toujours la nature de la chose. C'est surtout que la technique informatique a une spécificité, c'est le code. Et le code, il faut le maîtriser, il faut savoir le lire, l'écrire, le modifier. Et je crois que ceux qui font le choix seront effectivement dans une position d'autorité utilisateurs n'auront jamais accès. Et en terminant, Milad Douéhi, en route vers la rencontre de ce jeudi 26 avril, où les gens vont pouvoir vous entendre de manière plus élaborée, évidemment, réfléchir et nous partager vos réflexions autour de ces éléments-là. Au final, qu'est-ce qu'on devrait retenir un peu de tout ça? Qu'est-ce qu'on devrait avoir en tête quand on parle du numérique en général? C'est que c'est quelque chose qui est ce qu'on fait avec. C'est ça ce qui est important. C'est-à-dire ce sont les utilisateurs, les usagers, les citoyens qui, en fin de compte, décide de ce que c'est que le numérique, et pas seulement les gens qui créent, les entreprises qui mettent en place les plateformes. Ça joue un rôle important, mais néanmoins, c'est nous, comme utilisateurs, on a un pouvoir énorme, et il faut l'assumer. Alors, Milad Douéhi, donc titulaire de la chaire de recherche sur les cultures numériques, merci beaucoup. Merci à vous. Et on se dit donc à jeudi, je le rappelle, 19h, à la bibliothèque Gabriel Leroy, pour cette conférence, donc, quel avenir pour notre société à l'heure du numérique? Et Raymond Poirier, merci à toi cette fois-ci. Je rappelle aux gens, si on veut plus de détails, site internet de l'ITIS. itis.ulaval.ca. On y retrouve aussi toutes les chroniques qu'on fait ensemble ici les lundis dans Change de disque. Raymond Poirier, merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir. À la semaine prochaine. Sans faute. Alors Raymond Poirier qui est chargé de communication à l'ITIS.